Chant 4. La couleur que l'acheté peignit sur mon visage quand je vis mon guide revenir sur ses pas lui fit dissimuler plutôt la sienne. Il s'arrêta, tendu, comme un homme qui écoute, ne pouvant porter son regard au-delà, à travers l'or. La couleur que l'acheté peignit sur mon visage quand je vis mon guide revenir sur ses pas lui fit dissimuler plutôt la sienne. Il s'arrêta, tendu, comme un homme qui écoute, ne pouvant porter son regard au-delà, à travers l'air obscur et la brume épaisse. « Il nous faudra pourtant gagner cette bataille, » commença-t-il. « Sinon, telle aide s'est offerte. Oh, que j'ai hâte qu'une autre vienne ici. » Je vis bien qu'il avait recouvert son commencement avec la suite, car il dit des mots différents des premiers. Et néanmoins, son langage me fit peur, car je donnais à la parole interrompue un sens peut-être pire qu'il ne fallait. Au fond de cette affreuse vallée, quelqu'un descendit-il jamais du premier cercle, ayant pour seule peine l'espoir tronqué, lui demandai-je, et lui, « Il est très rare, répondit-il, que l'un de nous fasse le chemin que je parcours. Il est vrai que je fus une autre fois ici, conjuré par Éricton, cruel, qui rappelait les ombres dans leur corps. Ma chair était depuis peu nue de moi quand elle me fit entrer dans les murailles pour en tirer une âme du cercle de Judas. C'est le lieu le plus bas et le plus obscur, et le plus loin du ciel qui enclôt toute chose. Je sais bien le chemin, sois donc tranquille. Ce marais qui exhale ici sa puanteur fait tout le tour de la cité dolente, et nous ne pouvons plus pénétrer sans querelle. Et il dit autre chose, mais je ne le sais plus, car mes yeux m'avaient tout entier entraîné vers le sommet embrasé de la tour, où, en un point, tout à coup, se dressèrent trois furies infernales, couleur de sang. Elles avaient forme et gestes féminins, hydres très vertes pour ceinture, pour cheveux des serpents et des guivres, qui entouraient leur front farouche. Et lui, qui avait reconnu les suivantes de la reine des pleurs éternelles, « Regarde, » me dit-il, « les Erinyes, féroce. La première est Mégère, du côté gauche, celle qui pleure à droite est Alecto, et Tisiphone est au milieu, puis il se tue. Chacune se fendait la poitrine avec les ongles, elle se battait à coups de pomme, criant si fort que de frayeur je me serais contre mon guide. Que Méduse vienne. « Nous le pétrifierons, » disait-elle tout en regardant en bas. « Nous avons mal vengé l'attaque de Thésée. Retourne-toi et tiens les yeux fermés, car si Gorgone se montre et si tu la voyais, tu ne pourrais plus t'en revenir là-haut. » Ainsi parla mon maître. Lui-même, il me tourna, sans se fier à mes mains, et me ferma les yeux avec les siennes. « Oh ! Vous qui avez longtemps de mon sein, voyez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étrangers. Déjà venait par les troubles eaux le fracas de son plein d'épouvante, qui faisait trembler à la fois les deux rives, tout semblable à celui d'un vent impétueux, né de chaleurs contraires, qui frappe la forêt et sans aucun obstacle, arrache, abat et emporte les branches, allant de l'avant, poudreux, superbe, faisant fuir les berges et les bêtes féroces. Il délivra mes yeux et dit « Tends maintenant le nerf de tes regards vers cette écume antique, là où la fumée est la plus noire. Comme devant la couleuvre leur ennemi, les grenouilles s'enfuient à travers l'eau et vont se blottir sur la terre. » Je vis plus de 1000 âmes détruites. S'enfuir ainsi devant quelqu'un qui en marchant traversait le Styx à pied sec. De son visage, il écartait l'air gras et agitant souvent la main gauche. Et ce seul tourment semblait l'incommoder. Je compris que c'était un envoyé du ciel, et je me tournai vers mon maître qui me fit signe de rester quoi, et de m'incliner devant lui. Ah, comme il me paraissait plein de mépris, il alla vers la porte et d'un coup de baguette l'ouvrit sans rencontrer de résistance. Ô banni du ciel, en gens infects, commença-t-il sur l'horrible seuil, d'où vient l'outrecuidance qui vous habite? Pourquoi renâclez-vous à ce vouloir dont la fin ne peut jamais être évitée et qui a souvent augmenté vos peines? À quoi sert de heurter contre le destin? Votre Cerbère, autant qu'il vous souvienne, emporte encore la gorge et le menton pelé. Puis il se retourna vers la route boueuse et ne nous dit mot, mais garda l'apparence de quelqu'un que mord un tout autre souci que celui de ceux qu'il a sur son chemin. Nous portâmes alors nos pas vers la cité, pleins d'assurance. Après ce saint discours, nous y entrâmes sans aucune guerre, et moi qui avais grand désir de voir le sort de ce qu'enserre la citadelle, dès que j'y fus, je regardai tout à l'alentour. Et je vois partout une vaste campagne, pleine de pleurs et de tourments cruels, tout comme à Arles où le Rhône s'attarde, ou à Pola auprès de Carnaro. Quitte l'eau l'Italie baignant ses confins, les sépulcres font le sol inégal. Ainsi en était-il ici, de tous côtés, mais la façon était bien plus amère. Des feux épars couraient entre les tombes, qui les embrasaient si fortement, qu'aucun art ne requiert un fer plus brûlant. Tous les couvercles étaient levés, des plaintes si violentes en sortaient, qu'elle semblait bien de malheureux et d'offensés. Et moi, maître, qui sont ces gens ensevelis dans ces tombeaux, qui poussent des soupirs si douloureux? Et lui à moi, ce sont les hérésiarques, avec leurs disciples de toutes sectes. Et leurs tombeaux sont plus remplis que tu ne crois. Ici gît le semblable avec le semblable. Et les sépulcres sont plus ou moins brûlants. Et quand il eut tourné la main droite, nous passâmes entre les supplices et les hauts remparts.